Voilà pour la femme libérée de Cookie Dingler. Allez, à 8h41, tout pile, on fait un point sur les anniversaires. Il s'en est un 10 octobre 1941, naissance de Peter Coyote, acteur américain, vu dans E.T. l'extraterrestre, dans le rôle de Keys, Erin Brockovich, seule contre tous, dans le rôle de Kurt Potter, ou encore la série télé Les 4400, dans le rôle de Dennis Ryland. 1946, naissance de Charles Dance, acteur britannique, vu dans Alien 3, Gosford Park, Underworld Nouvelle Ère et Underworld Blood Wars, dans le rôle de Thomas, en 2019 dans Godzilla 2 dans le rôle d'Alan Jonah et la série télé Game of Thrones dans le rôle de Tywin Lannister. 1947, naissance de Cookie Dingler, chanteur français. C'est également l'année de naissance de Francis Perrin, acteur réalisateur français, vu dans La Gifle dans le rôle de Marc Morillon, Le Roi des Cons dans le rôle de Georges Leroy, La Chance de ma vie, Les Francis, Les Vacances du Petit Nicolas, la série télé SœurTérèse.com, Alice Nevers, Le Juge est une femme, Week-end chez les Toqués, Scène de Ménage, Mongeville dans le rôle d'Antoine Mongeville, réalisateur de Tête à claque, Le Joli Cœur ou encore Ça n'arrive qu'à moi. 1954, naissance d'Ariane Ascaride, actrice française vue dans Marius et Jeannette, récompensée par le César de la meilleure actrice, Les Neiges du Kilimandjaro, les films Marius et Fanny dans le rôle de Claudine ou plus récemment dans le film Les Chatouilles. C'est également l'année de naissance de David Lee Roth, chanteur américain, leader du groupe Van Halen. 1955, naissance d'Hippolyte Girardot, acteur français vu dans Inspecteur La Bavure, Manon des Sources, Kidon, La Saga Dolmen dans le rôle de Pierre-Marie de Kersin ou encore Marseille dans le rôle du docteur Osmond. C'est également l'année de naissance de Philippe Lioret, réalisateur français à qui l'on doit Mademoiselle, L'Équipier, Je vais bien, ne t'en fais pas ou encore Toutes nos envies. 1958, naissance de Tania Tucker, chanteuse américaine, connue notamment pour le titre What's Your Mama's Name, dont on écoute tout de suite un petit extrait. What's your mama's name, child? What's your mama's name? 30-some-odd years ago, a young man came to Memphis asking about a rose that used to blossom in his world. People never took the time to mind the young man's questions until one day they heard him ask a little green-eyed girl, what's your mama's name, child? What's your mama's name? Voilà pour l'extrait de Tania Tucker. Allez, on continue les anniversaires. 1973, naissance de Vikash Dorasso, ancien footballeur français ayant fait carrière de 1993 à 2007 en jouant à Le Havre, l'Olympique Lyonnais, Bordeaux, au Milan AC, au Paris Saint-Germain et enfin au Livourne Calcio. C'est également l'année de naissance de Mario Lopez, acteur présentateur télé américain, vu dans la série télé Sauvé par le Gong dans le rôle d'Acy Slater, Pacific Blue dans le rôle de Bobby Cruz, Nip Tuck, Major Crimes, Rosewood ou encore The Rookie. 1978, naissance de Jodie Lynn Okafor, actrice américaine vue dans Halloween 20 ans après dans le rôle de Sarah Wentrop, la série télé Nash Bridges dans le rôle de Cassidy Bridges, Charmed, Esprit criminel, Prison Break dans le rôle de Gretchen Morgan, Vampire Diaries dans le rôle de Joe Parker ou encore Lucifer. 1985, naissance d'Alex Meraz, acteur américain connu pour son rôle de Paul Laut dans la saga Twilight. 1986, naissance de Pierre Roland, cycliste sur route français, meilleur jeune du Tour de France 2011. Il a remporté 3 étapes de Grand Tour, 2 sur le Tour de France et 1 sur le Tour d'Italie. 1988, naissance de Rose McIver, actrice néo-zélandaise vue dans La Leçon de Piano dans le rôle d'Angel, la série iZombie dans le rôle de Liv Moore ou encore Once Upon a Time dans le rôle de la fée Clochette. En 1963, décédée Edith Piaf, chanteuse française. En 1985, décédée Orson Welles, cinéaste américain, à qui l'on doit Citizen Kane, Voyage au Pays de la Peur, Macbeth ou encore Othello. Et en 2004, on apprenait le décès de Christopher Reeve, acteur américain connu pour son rôle de Clark Kent, alias Superman, dans Superman 1, 2, 3 et 4, vu également dans Le Village des Damnés ou encore la série télé Smallville dans le rôle du docteur Virgil Swann. Allez, tout de suite, on s'écoute le groupe Van Halen avec leur titre Jump. C'était le groupe Van Halen avec leur titre Jump. Un peu plus de 8h49, on fait un point météo. La météo. Bon alors, ce matin, c'est pas autant apocalyptique que hier après-midi ou hier soir, mais c'est encore très nuageux et très pluvieux. Hein. Soyez vigilants, les éclaircies vont venir aujourd'hui, ça va nous faire du bien. On va voir un petit peu le retour du soleil dès cet après-midi. Des températures comprises entre 10 et 11 degrés ce matin, entre 13 et 15 degrés prévus pour cet après-midi. Vendredi et samedi, ce seront deux belles journées ensoleillées avec pour vendredi des températures comprises entre 10 et 11 degrés le matin, entre 16 et 18 degrés prévu pour vendredi après-midi et pour samedi entre 11 et 12 degrés le matin, entre 20 et 21 degrés. Et oui, vous m'avez bien entendu, pour samedi après-midi. Allez, tout de suite, on fait un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. On parle tennis, bon bah c'est pas joli joli, hein. Côté francophone, à Shanghai il n'y a plus de français après l'élimination hier de Jérémy Chardy en 2-7 face à Alexander Zverev, 7-6, 7-6. À Tianjin, plus de françaises non plus après l'élimination hier de Caroline Garcia en 2-7 face à Wang, 6-4, 6-2. Et au tournoi de Linz, aujourd'hui Mladenovic affrontera Vekic et Alizé Cornet sera opposée à Ostapenko. Et on va parler rugby avec la Coupe du Monde et il n'y a pas que chez nous